Je me présente, Daniel, 25 ans, j'ai grandi seul. Je rêve de gosse, de famille, que mon cœur s'agrandisse. Pas de parents, j'ai dormi dans les rues de ma ville. Mes cicatrices et mes cernes te prouvent qu'elle est rue de ma vie. 0€ en poche, pas d'allocation. À l'occasion, je fais la manche le temps que je trouve ma vocation. Les soucis s'accumulent et me fracassent le crâne. Trop heureux pour un braquage, alors avec le crack je plane. Considéré par la société comme un déchet. Depuis le début en bas de l'échelle, je vois que ma vie est un échec. J'aimerais un taf, un toit, des gens qui m'aiment. Voilà 10 années que je dis ça, ça sera la même dans 6 semaines. Je parle seul, j'ai pas d'amis donc pas trop le choix. Je marche en solitaire, je me méfie des bandes donc j'aime pas trop le soir. On me respecte pas, pourtant je fais ce que je peux pour m'en sortir. Personne ne m'aide, chaque jour c'est encore pire. On n'a pas les mêmes vies, le respect je te dois. Pas les mêmes vécus, respecte-moi. On avancera enfin si on respecte ça. Mes frères le savent, donc reste sage. On n'a pas les mêmes vies, le respect je te dois. Pas les mêmes vécus, respecte-moi. On avancera enfin si on respecte ça. Les frères le savent, donc reste sage. Moi je suis procureur, j'explose ta vie comme un château de sable. Gagne 10 000€ par mois sans compter les dessous de table. Je suis supérieur à toi, mes études en témoignent. Chaque jour je m'approche du bonheur, alors toi tu t'en éloignes. Je connais les lois par cœur, je m'en tape de toi. Si tu me saoules, je t'envoie en tôle, il suffit que je claque des doigts. Rien à foutre de ton vécu, de tes excuses. La société ne t'a rien fait, c'est tout seul que tu t'es exclu. Je pense qu'à moi et à ma famille à l'occasion. Ne fréquente pas ma fille si t'es pas minimum avocat. J'habite Paris, triplex de 200 m². Je croise très rarement la tristesse pour me tester, faut être taré. J'emmerde ceux qui socialement sont inférieurs. Je donne rien aux associations, je préfère meubler mon intérieur. Rien à foutre des innocents que j'ai condamnés. De façon, fallait que je boucle ces dossiers qui avaient tant d'années. On n'a pas les mêmes vies, le respect je te dois. Pas les mêmes vécus, respecte-moi. On avancera enfin si on respecte ça. Les frères le savent, donc reste sage. On n'a pas les mêmes vies, le respect je te dois. Pas les mêmes vécus, respecte-moi. On avancera enfin si on respecte ça. Les frères le savent, donc reste sage. Je fais partie de ces rappeurs de Paris Centre. Pas à plaindre même si ma vie est loin d'être ravissante. J'aimerais percer mais je suis bloqué par les clichés. À cause de textes négligés, certains croient qu'on ne sait que tricher. Mon discours s'oriente vers le respect et la paix. La blessure est profonde, j'espère désinfecter la plaie. Je n'ai pas le temps de faire la guerre des bandes. Même si j'ai mon équipe, j'en ai rien à faire des gangs. On veut que ça change, c'est pourquoi je m'exprime. Même si c'est le temps d'une chanson que j'apaiserai les esprits. J'avance armé, stylo et cartouche d'encre noire. Entre mes lignes, tu peux l'apercevoir, l'espoir laisse entrevoir. Je te respecte, tant pis si pour toi c'est pas le cas. C'est pas grave, tu m'en voudras pas si un jour je t'étale le gars. Parti de rien, mon parcours n'est pas lamentable. Je taffe pour l'amour parental, que mon rap soit ou pas rentable. On n'a pas les mêmes vies, le respect je te dois. Pas les mêmes vécus, respecte-moi. On avancera enfin si on respecte ça. Les frères le savent, donc reste sage. On n'a pas les mêmes vies, le respect je te dois. Pas les mêmes vécus, respecte-moi. On avancera enfin si on respecte ça. Les frères le savent, donc reste sage.